Comment diriez-vous je pense? Penso. Penso, c'est ça. Et comment diriez-vous je suis occupé, vous qui êtes un homme? Sono occupato. Bien, sono occupato. Et je suis fatigué au féminin, parce que cette fois c'est une femme qui parle. Rappelle-moi comment on dit fatigué au féminin. Stanca. Stanca, oui. Et donc, je suis fatiguée? Sono stanca. C'est ça. Sono stanca. Je suis fatiguée. Et eux. Comment dit-on je mange? Mangio. Mangio, oui. Et comment demande-t-on qu'est-ce que vous mangez? Che cosa mangia? Che cosa mangia? Dites maintenant pourquoi ne voulez-vous pas manger? Perché non vuole mangiare? Perché non vuole mangiare? Tout à fait. Donc, tout ça, ce sont des exemples d'emploi du présent. Si ces actions se déroulaient dans le passé, on pourrait employer le temps des longueurs. On dirait, par exemple, je mangeais, j'étais fatigué, etc. Pour former le temps des longueurs, on emploie vo. Avo, evo, ivo. Alors, qu'est-ce que ça donne pour je mangeais? Mangiavo. Mangiavo, oui. Et il mangeait? Mangiava. Attention à l'accentuation. Man. Ah oui, mangiava. Mm-hmm. Mangiava. Et au futur, je mangerai? Mangerò. Oui, très bien. On a mangiare, mais on change le A de are en E. Donc, ça donne ero. Oui, mangerò. Et au conditionnel, comment diriez-vous? Je ne le mangerai pas. Non lo mangerò. Non, mangerei. Tout à fait. Non lo mangerei. Comment diriez-vous maintenant il ne le ferait pas? Quel est le verbe faire en italien? Fare. Oui, donc? Fare. Non lo farebbe. Oui, bien sûr. Non lo farebbe. C'est ça. Non lo farebbe. Il ne le ferait pas. Et maintenant, dites, il ne me le dirait pas. Non lo direbbe. Il ne me le dirait pas. Ah, non me lo direbbe. Voilà, oui. Non me lo direbbe. Comment diriez-vous, j'attends? Aspetto. Répétez, s'il vous plaît. Aspetto. Aspetto. Il y a deux T. Il faut qu'on les entende tous les deux distinctement. Aspetto. C'est ça. Et maintenant, dites, je vous attends. Les aspetto. Ça ne serait pas plutôt la? Ah oui, la aspetto. Oui, parce que les, c'est le vous qui correspond en fait à vous. Par exemple, je vous parle ou je vous donne. Littéralement, je parle à vous, je donne à vous. Les. Par contre, je vous attends, c'est la aspetto. D'accord? La aspetto, oui. Alors, maintenant, comment diriez-vous pourquoi ne m'attendez-vous pas? Perché non mi aspetta? C'est ça. Perché non mi aspetta? Et toujours avec le verbe attendre, je vous attendrai ici. La. Aspetterò qui. La aspetterò qui. Tout à fait. Revenons un peu en arrière maintenant. Comment dit-on j'attends? Aspetto. Aspetto, oui. Et j'attendais? Aspettevo. Attention, c'est un verbe en are. Donc, aspettavo. Aspettavo. Mm-hmm. Comment diriez-vous il m'attendait? Mi aspetta. Non, attendez. Mi aspetta. Mi aspettava. Encore une fois, c'est un verbe en are. Aspettava. C'est ça. Mi aspettava. Mi aspettava. Il m'attendait. Voilà. Travailler se dit lavorare. Dans lavorare, on retrouve un peu le mot labeur, par exemple. Lavorare. L-A-V-O-R-A-R-E. Alors, comment dit-on « je travaille » ? Lavoro. Attention à l'accentuation. Lavoro. Lavoro, oui. Et je travaillais ? Lavoravo. Lavoravo, oui. Maintenant, le même verbe au passé composé. J'ai travaillé. Comment dit-on « j'ai » tout d'abord ? Oh. Oui. Et comment dites-vous « travailler » avec un « et » ? Là, il faut une terminaison en « ato ». Pensez à la traduction de « occuper » avec un « et », par exemple. Occupato. Voilà, occupato. Donc, en partant du même principe, comment direz-vous « j'ai travaillé » ? Ho lavorato. Ho lavorato, tout à fait. Maintenant, comment diriez-vous « il a attendu » ? Aspettava. Aspettava est correct si vous voulez dire « il attendait ». Mais pour dire « il a attendu » ? Ah, ha aspettato. Voilà, c'est ça. Ha aspettato. Vous voyez qu'il y a une différence ici entre « il attendait » et « il a attendu ». « Il a attendu », c'est quelque chose qu'il a fait à un moment bien précis. Tandis que « il attendait », on peut voir ça comme une ligne continue, des longueurs qu'on fait dans une piscine. Bon, évidemment, cette ligne continue n'est pas forcément très longue. On pourrait dire « il attendait » et au bout de 2 minutes, son ami est arrivé. Ou au contraire, cette attente peut être très longue. Il attendait, mais son ami n'arrivait pas. Ça peut être aussi quelque chose qui se reproduit plus ou moins régulièrement. Je l'attendais souvent devant le cinéma. Je l'attendais devant le cinéma à chaque fois qu'on jouait à un film comique, etc. Alors, maintenant, comment diriez-vous « j'ai attendu » ? Aspetto. N'oubliez pas qu'après « j'ai », il faut plonger. Il faut plonger dans le passé. Aspettato. Aspettato. Ho aspettato. Voilà. J'ai attendu. Ho aspettato. Et comment diriez-vous « pourquoi n'avez-vous pas attendu ?» Perché non ha aspettato? C'est ça. Perché non ha aspettato? Maintenant, toujours avec le verbe « attendre », mais cette fois, l'attente se prolonge dans le passé, c'est-à-dire que c'est le temps des longueurs. Vous allez me traduire « pourquoi l'attendiez-vous ?» Perché lo aspettava ? Perché lo aspettava ? Bien,